Un gros coup de pression. Pressez le pas, venez écouter quand je prêche pour ma paroisse. Pour mes gars bloqués entre les parois, confessionnal façon parloir. Rentre dans ton cerveau comme un gros pare-buffle dans ta portière. Dans nos contes de fées Cendrillon, on se fait baiser pendant les règles. La nuit, les carrosses se transforment pas en citrouille, mais finissent à la fourrière. Ego trip trop fat, manie le mic comme un tonfa. KR et Predator track, et qui est flashball et matraque. A la fin du titre, tu pourras dire comme un putain de héros. J'ai pris une bastos dans le gilet et le Kevlar m'a sauvé la peau. Mes potes disent mes skins quand ils entendent les dernières sorties. Chroniquez dans vos putains de fanzines. Sortie de l'usine déjà périmée comme le perfecto de Fonzie. Ils auraient pu être précurseurs dans les 60s. A l'heure actuelle, accuseur tarde plus de 40 piges. J'écoute frangin, écoute trop coup de pression, ça vient du sous-sol. On n'est pas venu pour l'or mais comme les ricains. Pour le pétrole, un peu trop lourd pour certains. Certifié hardcore à 100%, 100%. Rappel à l'ordre pour les anciens, le goût du béton, du gros son. On te sert du gros calibre garanti comme Jess Smith et Wesson. Certains voudraient qu'on ferme boutique comme un claque-clé sous la porte. Trop d'hostilité dans le texte, cherche même pas les raisons. Ce rap une tragédie, Shakespeare avec un fusil à pompe. On te sert du gros calibre garanti comme Jess Smith et Wesson. Certains voudraient qu'on ferme boutique comme un claque-clé sous la porte. Trop d'hostilité dans le texte, cherche même pas les raisons. Ce rap une tragédie, Shakespeare avec un fusil à pompe. Reste, on est dans tes affaires, négro, tu sais c'est qui ça. T'as reconnu la grille, ça, ainsi que la voix de cristal. La pire espèce de MC, connu pour nombreux crimes. On compte plus le nombre de tirs, piégés dans notre zone de tir. KR, c'est le blast que tu peux poser sur le visage squelettique de la faucheuse. La façon dont vous crevez est trop moche. Comme la vieille tête de ta petite amie. Le regard froid comme un iceberg, vous êtes dans Titanic. Ok, les petites paniques nous prennent pour des terroristes. Tu veux la peau de Preda, t'es KR, putain tu prends des gros risques. Les chroniques de l'illicite, petit, c'est le deuxième volet. Serrez les dents car dans vos têtes c'est comme une reprise de volet. Pointure 44 ou Magnum 44 selon celui que tu testes. Tellement ego trip dans nos phrases qui fait que tu nous détestes. What the fuck, on va vous mettre cool, voyez votre rap de merde. Nous on crache du feu, toi tu craches de l'air. On court avec Samraj, The Gua, City dans le turf. Nous c'est la zig des guerriers, vous c'est du Cindy Sanders. Et pareil qu'ils veulent nous pécho comme on a fait pour leur fouf. Mais c'est qu'on ignore que pour attraper un fou, il faut un fou. On te sert du gros calibre garanti comme Jess Smith et Wesson. Certains voudraient qu'on ferme boutique comme un claque-clé sous la porte. Trop d'hostilité dans le texte, cherche même pas les raisons. Ce rap une tragédie, Shakespeare avec un fusil à pompe. On te sert du gros calibre garanti comme Jess Smith et Wesson. Certains voudraient qu'on ferme boutique comme mettre la clé sous la porte. Trop d'hostilité dans le texte, cherche même pas les raisons. Ce rap une tragédie, Shakespeare avec un fusil à pompe. On te sert du gros calibre garanti comme Jess Smith et Wesson. Certains voudraient qu'on ferme boutique comme mettre la clé sous la porte. Trop d'hostilité dans le texte, cherche même pas les raisons. Ce rap une tragédie, Shakespeare avec un fusil à pompe. On te sert du gros calibre garanti comme Jess Smith et Wesson. Certains voudraient qu'on ferme boutique comme mettre la clé sous la porte. Trop d'hostilité dans le texte, cherche même pas les raisons. Ce rap une tragédie, j'expire avec un fusil à pompe.